François Morel, c'est à vous. Bonjour. Ce qui manque à France Inter pour devenir la première radio de France, en gros, c'est Niort. La ville de Niort, chef-lieu du département des Deux-Sèvres, région Nouvelle-Aquitaine. La ville de Niort compte 59 005 habitants. Ce qui manque à France Inter pour passer devant RTL, c'est 62 000 auditeurs. Oui, donc Niort plus deux communes avoisinantes, disons Saint-Symphorien et Saint-Rémy. C'est rien du tout. Attention, je ne dis pas que Niort plus Saint-Symphorien et Saint-Rémy, c'est rien du tout, mais avouez que c'est rageant de se dire que rien qu'avec Niort plus Saint-Symphorien et Saint-Rémy, on pourrait afficher partout, sur les murs, sur le cul des bus, France Inter, la première radio de France. Surtout qu'on n'a pas la chance tous les quatre matins qu'un ministre à l'antenne vienne annoncer sa démission pour booster un peu les audiences. Si j'ai pris Niort, oui, plus Saint-Symphorien et Saint-Rémy, comme mesure de différenciation entre RTL et France Inter, c'est bien sûr à cause du livre de Houellebecq, où il parle de Niort. Notons qu'il ne mentionne ni Saint-Symphorien, ni Saint-Rémy. Niort, écrit Houellebecq, une des villes les plus laides qu'il m'ait été donné de voir. Évidemment, les Niortais aussitôt se sont énervés, sont montés au créneau pour se révolter. Le député local a invité Houellebecq à sortir de sa bulle parisienne et à venir voir les Niortaises et les Niortais qui pourraient lui faire découvrir les richesses de leur ville. Bon, mais n'est-ce pas une chance pour Niort d'être mise en lumière par un auteur en vogue qui fait aussi bien la couverture des Inrecuptibles que de Valeurs Actuelles? Le succès de Houellebecq montre que ce n'est pas la tendresse, la gentillesse et conneries des villages fleuris qui attirent le public, c'est la description cynique et amusée de la laideur. Élus Niortais, population niortaise, plutôt que de jouer les victimes mortifiées par une charge gratuite, saisissez la chance qui vous est offerte. Communiquez sur la laideur de votre ville. Croyez-vous que les panneaux indiquant un des plus beaux villages de France intéressent encore qui que ce soit, à part peut-être deux ou trois fanatiques enamourés de Stéphane Bern? Commune, ville, cité, présentez-vous sous vos aspects les plus répugnants. Créez des associations destinées à promouvoir les arguments touristiques des communes riches du patrimoine le plus pauvre. Élisons le plus dégueulasse village de France, la ville de France la plus corrompue, le bourg le plus abject, la commune la plus commune. Imaginez les disputes entre les villes compétitrices. Nous, on a eu la piscine grâce à un marché truqué. Oui, mais nous, tout l'argent pour les logements sociaux, on les a mis dans les ronds-points. Des tours opérateurs organiseraient des excursions pour montrer ici une école pleine de rats. Là, un immeuble qui, d'une minute à l'autre, pourrait s'écrouler. Sortez vos téléphones portables et faites des photos pour immortaliser l'ordure et l'infamie. Ici, la ville la plus pourrie de la région parisienne, avec ses magouilles. Oh, si on a un peu de chance, on pourra voir le maire et sa femme qui nous feront un doigt d'honneur. Quand le beau ne fait plus vendre, valorisons le laid. D'autant que le laid est assez drôle quand il est décrit par Houellebecq, qui écrit des phrases aussi longue parfois que celle de Marcel Proust, mais dans lesquelles il emploie plus souvent le mot « bit », même si ce sujet n'est sans doute pas absent des préoccupations de Marcel Proust, mais de façon plus allusive. Le narrateur de Houellebecq est un électeur de Vauquier, selon Griveaux. Il fume et roule au diesel. Il conduit une Mercedes G350 TD et soupire avec mélancolie. Je n'aurais peut-être pas fait grand-chose de bien dans ma vie, mais au moins, j'aurais contribué à détruire la planète.